Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 8. Explication du premier vers du cantique, commencement de l'exposé de la nuit obscure. Pendant une nuit obscure, cette nuit, que nous avons dit être la contemplation, a deux manières de produire les ténèbres ou la purification dans les personnes intérieures, en raison des deux parties qui composent l'homme, l'une sensitive et l'autre spirituelle. Ainsi la première nuit ou purification sensitive, à l'aide de laquelle l'âme se dépouille et se purifie, se rapporte au sens qu'elle soumet à l'esprit. La seconde nuit, ou purification spirituelle, se rapporte à l'esprit, qu'elle prépare et dispose, par l'abnégation, à l'union d'amour avec Dieu. La première est fréquente et connue d'une multitude de commençants. La seconde n'est le partage que du petit nombre, c'est-à-dire des âmes très exercées et déjà avancées. Celle-là est amère et terrible au sens, mais celle-ci est, sans comparaison, plus pénible et plus épouvantable encore à l'esprit. Pour procéder avec ordre, nous parlerons en premier lieu de la nuit des sens, comme c'est une matière plus ordinaire, sur laquelle on a déjà beaucoup écrit. Nous en dirons peu de choses ici, et nous traiterons ailleurs plus longuement la question de la nuit spirituelle. Peu d'auteurs ont parlé ou écrit de cette dernière, moins encore en possèdent l'expérience. Plus haut nous avons démontré que la conduite des commençants dans les voies de Dieu est grossière et basée sur leur goût et sur leur amour propre. Or Dieu désire les pousser en avant et les faire sortir de cette région inférieure de l'amour, pour les élever au degré supérieur, il veut les délivrer de ce bas exercice des sens et du raisonnement, qui leur fait chercher Dieu d'une manière si étroite, si mesquine, et pleine de tant d'inconvénients. Il cherche à les établir ainsi dans la vie de l'esprit, où, libres d'une foule d'imperfections, ils pourront recevoir des grâces plus abondantes, et s'entretenir plus intimement avec lui. Ceci n'a lieu qu'après s'être déjà exercé assez longtemps dans le chemin de la vertu, et avoir persévéré dans la méditation et l'oraison, grâce aux saveurs délicieuses qu'ils y ont trouvées. Ils se sont détachés des choses du monde et ils ont puisé en Dieu des forces spirituelles qui leur permettent de réfréner en eux l'amour de la créature. Désormais ils peuvent supporter pour l'amour de Dieu quelques sécheresses et quelques épreuves, sans crainte de retourner en arrière. Mais à l'heure des joies et des consolations célestes, quand le soleil des faveurs divines paraît, selon eux, les éclairer et les embraser davantage, Dieu suspend tout à coup ses splendeurs, et tarit cette source d'où coulaient les eaux spirituelles dont il savourait à longs traits la douceur, chaque fois qu'il le désirait, parce qu'ils étaient faibles et délicats, il n'y avait pas de porte fermée pour eux. Selon le langage de Saint Jean dans l'Apocalypse, voici ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole, et n'as point trahi mon nom. Apocalypse 3, 8. Mais ensuite Dieu les environne de ténèbres si épaisses, qu'ils ne savent plus de quel côté s'orienter, malgré les efforts de leur imagination et de leur raisonnement, incapables de méditer comme autrefois. Leur sens intérieur est abîmé dans cette nuit et abandonné à la sécheresse, non seulement ils ne trouvent plus ni jouissance, ni saveur dans les exercices et les œuvres de piété, où ils avaient coutume de tant se délecter, mais en outre ils sont plongés dans des torrents d'amertume. C'est que Dieu, les voyant un peu grandis, les sèvre du lait de ses douceurs, à dessein de les fortifier et de les faire sortir de leur lange. Il les descend de ses bras et les met sur leurs pieds pour leur apprendre à marcher, ce qui paraît bien étrange à ceux qui se complaisaient dans le système contraire. Les personnes retirées du monde sont soumises à l'épreuve dont nous parlons, plus vite que les autres, et habituellement dès leur début dans la vie intérieure, elles sont, en effet, plus à l'abri de ces retours en arrière, et peuvent plus facilement dompter les convoitises des biens d'ici-bas. Elles sont ainsi davantage dans les conditions requises, pour commencer à entrer dans cette bienheureuse nuit des sens. Il ne se passe ordinairement guère de temps pour elles, sans qu'on les voie entrer dans cette nuit et tomber dans la sécheresse. Cette purification des sens est si commune, que nous pourrions citer ici à l'appui un grand nombre de textes de la Sainte Écriture, tirés particulièrement des psaumes et des prophètes. Pour éviter la prolixité, nous nous contenterons d'en indiquer seulement quelques-uns plus tard. Chapitre 9. Signes auxquels on reconnaîtra que l'homme spirituel marche dans la voie de cette nuit et de la purification des sens. Les sécheresses peuvent ne pas procéder toujours de la purification de l'appétit sensitif ou de la nuit en question. Elles naissent souvent des fautes ou des imperfections, de la lâcheté ou de la tiédeur, de quelques dérèglements d'humeur ou de toute autre langueur corporelle. C'est pourquoi j'indiquerai ici les signes qui permettent de discerner si cette aridité provient de la purification des sens, ou si elle résulte de quelqu'un de ses défauts. Ces signes sont au nombre de trois. Le premier consiste à ne plus éprouver de goût ni de consolation dans les choses de Dieu, et à n'en pas trouver davantage dans les créatures. Lorsque le Seigneur introduit l'âme dans la nuit obscure, il lui refuse toute satisfaction et ne la laisse s'attacher à aucune chose. Pour dégager et purifier en elle la partie inférieure, c'est alors un signe presque évident que le dégoût et la sécheresse ne proviennent pas de fautes ou d'imperfections récemment commises, car, s'il en était ainsi, l'âme éprouverait une certaine tendance naturelle à satisfaire ses goûts en dehors des choses de Dieu, attendu que si l'appétit déréglé s'abandonne à une imperfection quelconque, immédiatement l'âme se sent plus ou moins inclinée vers elle, selon le degré d'affection ou de plaisir qu'il y porte. Cependant, ce dégoût général pourrait avoir pour principe une fâcheuse disposition de tempérament, ou une humeur mélancolique qui ne permet de prendre goût à rien. Il est donc nécessaire de recourir à un second signe ou caractère. Le second caractère de cette purification est un souvenir habituel de Dieu, accompagné d'anxiété et d'une douloureuse sollicitude. L'âme s'imagine ne plus servir Dieu, et même reculer, parce qu'elle ne ressent plus aucun goût pour les choses saintes. On voit par là qu'il y a une grande différence entre l'aridité et la tiédeur, puisque le propre de cette dernière est précisément de rendre la volonté languissante, et de chasser de l'esprit toute sollicitude relative aux choses de Dieu. Seule, la sécheresse de la vie purgative amène ordinairement avec elle un soin jaloux, joint, comme je l'ai dit, à la pensée et à la souffrance de ne pas servir Dieu. La mélancolie ou toute autre disposition particulière contribue parfois, il est vrai, à entretenir cette aridité, qui ne laisse pas néanmoins d'avoir son action purgative sur l'appétit sensitif, puisqu'elle prive l'âme de toute consolation et fait de Dieu l'unique objet de sa sollicitude. La partie sensitive est alors, il est vrai, abattue, faible et lâche pour agir, n'ayant plus le soutien d'aucune consolation sensible. Toutefois, l'esprit est prompt et plein de vigueur, quand, au contraire, la sécheresse ne procède que du tempérament. On n'éprouve que répugnance et dégoût pour les choses naturelles, sans pour cela ressentir ces désirs ardents d'aimer Dieu, propres aux aridités de la vie purgative. Cette sécheresse vient de ce que Dieu veut faire passer au bénéfice de l'esprit, les biens et les forces des sens, Mais comme ceux-ci sont incapables de supporter cette transformation, ils restent sans aliment, asséqués dans le vide, étant impuissants dans l'ordre du pur esprit. Ainsi, là où l'esprit se délecte, la chair languit et perd de son activité, tandis que le premier, fortifié par la nourriture qui lui est propre, se réveille et se montre plus vigilant et plus attentif qu'auparavant à éviter tout ce qui pourrait déplaire au Seigneur. Au début de cette transformation, l'esprit, élevé à des sphères nouvelles, ne comprend pas encore la nature des biens qu'il reçoit. Habitué aux douceurs sensibles, il est toujours attiré de ce côté, comme par une sorte d'aimant. Il appartient donc aux épreuves de la nuit obscure de purifier le goût spirituel, et de le préparer à des délicatesses plus subtiles. Il y est disposé successivement, et jusque là il demeure tout pénétré d'amertume, en proie à l'aridité et au dégoût par la privation de ce dont il jouissait autrefois avec tant de facilité. Ceux que Dieu commence à introduire dans ces solitudes du désert, sont semblables aux enfants d'Israël, lorsque Dieu envoya à son peuple cette nourriture du ciel, si exquise qu'elle se trouvait au goût de chacun, comme il est dit au livre de l'Exode, 16, 13, 14, ils se prirent cependant à regretter la saveur des viandes et les oignons d'Égypte, auxquels ils étaient si accoutumés, qu'ils n'appréciaient pas la douceur et la délicatesse d'une nourriture angélique. On les voyait gémir et pleurer la perte d'aliments grossiers, tandis qu'ils en avaient de tout céleste. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, et là ils nous reviennent dans l'esprit, Nombre 11, 5. Voilà où nous conduit la bassesse de nos appétits. Ils nous font aimer nos misères, et concevoir une extrême répugnance pour les biens immuables du ciel. Je le répète, quand ces sécheresses de la voie purgative proviennent de l'appétit sensitif, l'esprit peut, pour les causes que je viens d'énumérer, n'éprouvait dans le principe aucune saveur. Néanmoins il puise une certaine force et vigueur d'action dans la nourriture intérieure et substantielle qu'il reçoit. Cette nourriture est un commencement de contemplation obscure, sèche, ordinairement secrète pour les sens, et imperceptible à celui-là même qui la possède, en même temps que ceux-ci sont plongés dans l'angoisse du vide, et accablé sous le poids d'une désolante sécheresse, l'âme éprouve l'inclination et le désir de demeurer en solitude et en repos, sans pouvoir se fixer à aucune chose particulière, ni même en ressentir le besoin. Ah, si les âmes qui sont dans cet état savaient garder le calme et laisser de côté toutes les œuvres intérieures et extérieures, auxquelles elles employaient leur raisonnement et leur industrie propre. Si elle voulait ne plus se préoccuper que d'une seule chose, se livrer au Seigneur, s'abandonner à sa conduite, l'écouter dans l'intime de leur cœur avec une amoureuse attention, et recevoir ses divines leçons, alors, dans cette sainte oisiveté et au milieu de cet oubli général, elle se sentirait merveilleusement sustentée par cette nourriture intérieure. C'est, en effet, dans le repos le plus complet et dans le sommeil des puissances de l'âme, que les délices de cet aliment portent leurs fruits. Mais si l'âme témoigne le moindre désir, ou le plus petit empressement pour les savourer, elles disparaissent aussitôt, absolument comme l'air qui s'échappe dès qu'on ferme la main pour le retenir. Nous pouvons citer à ce propos la parole que l'époux adresse à l'épouse dans les Cantiques, « Détournez vos yeux de moi, car ce sont eux qui m'ont obligé de me retirer promptement. » Cantiques 6, 4. L'état où Dieu met l'âme, le chemin qu'il lui fait tenir, diffère si essentiellement de celui qu'elle suivait autrefois, qu'en voulant aider Dieu par ses propres ressources, elle contrarie son œuvre au lieu d'y coopérer. Cela tient à ce que dans ce nouvel état de contemplation, c'est-à-dire quand l'âme est sortie de la voie du raisonnement pour entrer dans une autre plus avancée, Dieu opère lui, même en elle, il semble alors lier ses puissances intérieures, ôter à l'entendement tout appui, soustraire à la volonté toute douceur, et interdire tout raisonnement à la mémoire. On le comprend, dans cette situation, l'action de l'âme ne peut que faire obstacle à la paix intérieure, et à l'œuvre que Dieu veut opérer dans l'esprit au moyen de la sécheresse du sens. Une opération si spirituelle et si choisie exige une action plus recueillie, plus délicate, plus tranquille, qui ne ressemble en rien aux jouissances de la première heure, qui était sensible et palpable. David nous dit de cette paix, que Dieu la promet à l'âme afin de la rendre spirituelle. De là une troisième marque pour reconnaître la purification des sens, savoir, l'impossibilité où se trouve l'âme de faire usage de la faculté de l'imagination. Pour s'exciter à discourir et à méditer comme auparavant, le Seigneur ne se manifeste plus à l'âme par la voie des sens, ainsi qu'il le faisait autrefois à l'aide du raisonnement, qui compose et divise les matières. Les communications divines suivent maintenant la voie du pur esprit, d'où le discours successif est banni, et fait place à l'acte simple de la contemplation, inaccessible au concours des sens extérieurs ou intérieurs. Or le troisième signe nous prouve que cette captivité des puissances, ces dégoûts ne proviennent pas d'une humeur quelconque. S'il en était ainsi, cette disposition, qui est naturellement changeante, venant à cesser, l'âme pourrait aussitôt, avec un peu de vigilance, retourner à ses opérations antérieures, et les puissances retrouveraient leur liberté et leur appui. Le contraire arrive dans la purification de l'appétit sensitif, où l'impossibilité de discourir avec ses puissances va toujours croissant. À la vérité, les ténèbres de cette nuit ne se répandent pas d'une manière uniforme, surtout dans les commencements, aussi ne l'est-il ont pas de ressentir par intervalle une sorte de douceur ou de consolation sensible. La faiblesse des âmes ne permet pas d'ailleurs qu'on les en détache brusquement. Toutefois, si elles sont appelées à un état plus parfait, elles pénétreront toujours plus avant dans les profondeurs de la nuit, et l'œuvre de la purification sensitive s'achèvera. Pour ceux qui ne suivent pas le chemin de la contemplation, l'épreuve des sécheresses n'est pas d'ordinaire aussi continue dans l'essence, tantôt livrés aux angoisses de l'aridité, ils sont incapables de méditer, tantôt exempts de ces peines. Ils peuvent comme autrefois faire usage du raisonnement, en faisant passer ces âmes par le creuset des tribulations. L'unique but du Seigneur est de les exercer, de les humilier, de redresser leurs inclinations, en les purifiant de tout ce qui pourrait entretenir en elles la gourmandise des choses spirituelles. Mais son intention n'est pas de les conduire à la voie de l'esprit, c'est-à-dire à la contemplation parfaite, car, sachez-le, Dieu n'y mène pas tous ceux qui s'adonnent avec résolution à la vie intérieure. Pourquoi cela? Lui seul le sait. De là vient qu'il y a des âmes auxquelles Dieu ne retire jamais complètement la faculté de produire des considérations et des raisonnements, excepté pour un temps, comme nous l'avons expliqué. Chapitre 10. Conduite à tenir dans cette nuit obscure. À l'heure des sécheresses de la nuit sensitive, lorsque Dieu effectue le changement dont nous avons parlé plus haut, en retirant l'âme de la voie des sens ou de la méditation, pour la faire entrer dans celle de l'esprit ou de la contemplation, l'âme ne peut ni opérer à l'aide de ses puissances, ni discourir des choses de Dieu. En cet état où les spirituels éprouvent de grandes peines, ils ne souffrent pas tant des sécheresses que de la crainte d'être dans une voie de perdition. À leur point de vue, la source des biens spirituels est tarie pour eux, et Dieu les a abandonnés, puisqu'ils ne trouvent plus ni soutien, ni consolation dans les exercices de la vie intérieure. Ils s'épuisent alors en vains efforts pour fixer leur puissance sur un raisonnement, dans l'espoir d'y trouver la satisfaction dont ils jouissaient auparavant. Et dès qu'ils ne se sentent plus agir, ils croient rester oisifs. Cependant, l'âme éprouve intérieurement pour ces exercices un véritable ennui et un profond dégoût. Elle se plaisait au repos et à la quiétude en voulant agir par elle-même. Elle perd, par ses efforts, l'esprit de paix et de tranquillité, et ne gagne rien d'ailleurs. C'est vouloir recommencer une œuvre déjà terminée, rentrer dans la ville dont on est sorti, ou enfin lâcher sa proie pour s'élancer de nouveau à sa poursuite. Évidemment, les sollicitudes de ces âmes seront complètement inutiles, elles ne gagneront rien à reprendre leur première méthode. Ceux qui sont plongés dans les ténèbres de cette nuit, s'ils n'ont pas de directeur qui les comprenne, sont exposés à abandonner leur voie et ils reculent au lieu d'avancer. Pour le moins, les efforts multiples qu'ils font pour méditer comme autrefois, ne servent qu'à créer des obstacles à leur progrès spirituel, et à multiplier avec excès leur peine et leur labeur. Parce qu'ils s'imaginent que leurs péchés ou leurs négligences sont la source de toutes ces difficultés, désormais ce travail est devenu superflu, car Dieu les conduit par la voie de la contemplation, qui est toute différente de celle de la méditation. Dans l'une, le raisonnement joue le plus grand rôle, dans l'autre l'imagination et le discours n'ont aucune part. Les âmes qui se reconnaissent à ces traits doivent se consoler, persévérer avec patience dans l'oraison sans effort tourmenté, et se confier en Dieu. Jamais il n'abandonne ceux qui le cherchent avec un cœur simple et droit. Il ne leur refusera pas le viatique nécessaire, qui doit les conduire par cette voie jusqu'à la claire et pure lumière de l'amour, où elles entreront après avoir traversé les obscurités de la seconde nuit, c'est-à-dire celle de l'esprit. Si toutefois elles ont mérité d'y être introduites, le temps de la méditation est passé, et les spirituels dont nous parlons ne doivent plus se mettre en peine de discourir, mais s'appliquer seulement à conserver leur âme en paix et en quiétude. Quand même ils croiraient que cette répulsion de l'esprit pour l'action est une suite de leur nonchalance, c'est beaucoup pour eux de se posséder ainsi en patience, et de persévérer dans l'oraison, malgré tous les scrupules dont ils pourront être assiégés sur la perte du temps. Et l'emploi meilleur qu'il pourrait eût faire, qu'il soit bien persuadé qu'on ne va pas à l'oraison pour se bander l'esprit, mais pour le mettre au large et le dilater. En effet, l'activité spontanée des facultés ne servirait qu'à troubler l'action de Dieu, et à empêcher les heureuses impressions qui se gravent dans l'âme, à la faveur de cette paix et de cette apparente inaction. Lorsqu'un peintre esquisse ou dessine un portrait, si la personne tourne sans cesse la tête pour regarder de côté et d'autre, il est impossible à l'artiste de saisir les traits du visage et d'achever son œuvre. De même, au sein de cette paix et de ce repos intérieur, le moindre acte, la moindre affection, le moindre regard inquiet que l'âme voudrait se permettre, produirait infailliblement en elle la distraction et le trouble. Plus elle prétendra chercher un appui dans ses sentiments affectueux et dans ses connaissances, plus elle en sentira l'absence, et plus elle sera tourmentée. Dans la partie sensitive, d'un vide que rien de ce genre ne peut combler, c'est pourquoi ces âmes-là ne doivent pas se mettre en souci de voir leur puissance réduite à l'inaction. Elles doivent au contraire se réjouir qu'il en soit ainsi le plus promptement possible. La contemplation infuse que Dieu leur accorde, n'étant plus troublée par leurs propres opérations, s'augmentera dans la paix, et préparera la voie aux divines ardeurs de l'incendie d'amour. Tel est le fruit merveilleux de cette contemplation secrète et obscure. Je ne voudrais pas cependant que l'on tirât de cette doctrine une règle générale, pour mettre absolument de côté le travail de la méditation. Pour l'acquitter, il faut ne pouvoir plus s'y livrer, c'est à Dire qu'il ne faut l'abandonner que lorsque le Seigneur en arrête le cours, soit pour l'épreuve de la vie purgative, soit pour faire atteindre à l'âme un plus haut degré de contemplation, autrement on doit conserver toujours cet appui, ce rempart de la méditation, et s'attacher en particulier au mystère de la vie et de la passion du Christ Rédempteur. N'est-ce pas là d'ailleurs le moyen par excellence pour nous purifier de nos imperfections, nous aider à acquérir la patience, assurer nos progrès dans la perfection, enfin nous faire parvenir à une éminente contemplation, ouvrir la porte à cette communication infuse, secrète, pacifique et amoureuse de Dieu, c'est s'embraser d'amour, comme l'âme le déclare dans le vers suivant.